avec aujourd'hui la participation de Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacher et Jérôme Nussbaum. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. La première, 14h.